Aujourd'hui, à connaître ensemble la santé mentale. Bon matin tout le monde, bienvenue à Connaître ensemble, une émission pour les couples, les femmes, les sages-femmes. Mon nom est Marie-Pierre, aujourd'hui à l'émission, on va parler de la santé mentale pendant la grossesse et pendant la période postnatale. On va avoir Laurence avec nous, bonjour Laurence. Bonjour Marie-Pierre. Alors on va parler entre autres des besoins émotifs de la femme enceinte pendant la grossesse. Laurence, tu vas nous parler de la dépression postnatale chez les mères. Et moi je vais vous parler d'un sujet qui est un peu moins abordé, c'est la dépression postnatale chez les pères. Et on a aussi Christine qui va nous faire une chronique actualité. On va avoir Isabelle Lebire qui est une étudiante sage-femme qui va venir nous présenter un travail. Et donc, on commence tout de suite, Laurence, avec ta chronique sur la dépression postpartum. Oui, je vais vous parler de la dépression postpartum, mais mon but aujourd'hui, c'est pas de vous faire une présentation sur tous les symptômes de la dépression, les traitements possibles, mais plutôt de sensibiliser les gens à la dépression postnatale et de défaire un peu les préjugés aussi associés à la dépression. Donc, pour commencer, juste pour mettre un peu en contexte, qu'est-ce que la dépression postnatale? Brièvement, c'est en fait tous les symptômes de la dépression, donc sentiments de découragement, beaucoup de pleurs, culpabilité, tout ça. La dépression majeure, dans le fond, mais associée aussi avec beaucoup de culpabilité. Parce que, comme on le sait, on vient d'avoir un bébé, puis c'est souvent associé à quelque chose de très positif dans notre société. C'est merveilleux, on a notre petit bébé. Il y a beaucoup d'imaginaire associé à ce moment-là de la vie. Et puis le fait de vivre toutes sortes d'émotions contradictoires, bien, ça l'amène les femmes à vivre beaucoup, beaucoup de culpabilité, de honte, ce qui est quand même assez particulier à la dépression postnatale. Alors, Marie-Pierre, je t'ai préparé un petit vrai ou faux ce matin pour tester tes connaissances sur la dépression. Donc, tout d'abord, est-ce que la dépression postnatale atteint 2 % 20 % ou 60 % des femmes après leur accouchement, selon toi? Moi, je dirais que c'est quand même assez fréquent, mais pas de là à dire que c'est une majorité des femmes. Fait que j'irais avec 20 % Oui, tout à fait. Yay! Donc, t'es bonne. La dépression postnatale, on estime qu'elle touche environ 20 % des femmes. C'est quand même assez important. Oui, c'est élevé comme chiffre. Puis on pourrait penser que ça touche moins de gens parce qu'il y a encore beaucoup de gens, de femmes qui n'osent pas en parler. OK. C'est pas toujours bien reçu, bien... Il y a comme un tabou quand même, faut le dire, autour de la dépression postnatale. Mais si on pense dans un cercle d'amis, 20 % ça veut dire une femme sur 5 qui pourrait être atteinte. Donc autour de nous, on risque de connaître des gens dans notre entourage qui pourraient souffrir de dépression postnatale. Une autre question pour toi, la dépression postnatale est causée par une fluctuation hormonale. Vrai ou faux? Porté à dire faux parce que je pense que c'est vrai, mais que c'est pas entièrement... c'est pas la seule raison, là. Ça doit pas être la seule cause de la dépression. Oui, encore une fois, t'es très bonne. Y a une part hormonale associée à la dépression postnatale parce que, comme on le sait, il y a quand même beaucoup de changements hormonaux qui se passent suite à l'accouchement. Ouais. Par contre, il faut faire attention... la dépression postnatale, c'est pas le baby blues du troisième jour. OK. Tu sais, ce que beaucoup de femmes vont vivre, je pense que c'est à peu près 60 % à 80 % des femmes qui vont vivre le baby blues. Donc ça, c'est vraiment vers la troisième journée après l'accouchement, une chute hormonale qui va causer toutes sortes de symptômes qui la femme va être très émotive, pleurer plus souvent... plus de découragement. Mais la dépression, le baby blues est beaucoup plus circonscrit dans le temps, alors que la dépression va rester plus longtemps. Okay. Et puis, va être plus difficile aussi à traiter, partira pas nécessairement par elle-même, là. Donc, voilà. La dépression postnatale se détecte par une absence de lien d'attachement envers le bébé. Selon toi, vrai ou faux? Encore là, ça doit être une partie de la réponse. Mais oui, je pense que ça peut se refléter comme ça. Oui, ben en effet, la dépression postnatale peut causer un désintéressement de la mère envers son bébé. Okay. Tous les symptômes psychologiques font que la mère est moins disponible pour les besoins de son enfant. La tâche peut devenir très comme immense pour elle. Donc, son sentiment de compétence comme mère peut être affecté. Puis, elle peut comme être en mesure aussi, là, si elle est en dépression majeure, de prendre soin de son enfant. Donc oui, le lien d'attachement va en être affecté. Par contre, c'est pas une façon de diagnostiquer la maladie. Au contraire, certaines femmes vont avoir un lien d'attachement fusionnel avec leur bébé aussi. À l'inverse. Donc, elles peuvent être en dépression, mais avoir un lien d'attachement fusionnel. Ça peut être aussi un lien d'attachement un peu ambivalent. Donc, je veux être avec mon bébé, mais je suis pas capable. Ouais. Je me sens pas à la hauteur. Donc, fait qu'il y a des on pourrait qualifier ça là, de va-et-vient avec son bébé. C'est ça. Il y a encore plusieurs professionnels de la santé qui associent vraiment la dépression postnatale avec un problème d'attachement. Okay. Mais on peut pas considérer ça là, comme un critère de diagnostic. Là. Mais c'est tellement dur déjà de catégoriser là, des symptômes de dépression ou un lien d'attachement. Quand on tombe dans le social puis dans l'affectif, c'est vraiment dur de mettre des limites puis des barrières définies. Là. Oui, puis la dépression postnatale va être différente pour chaque femme. Ça va être différent. Ouais. Ça va être différents facteurs qui vont la causer. Ça va prendre différentes formes. Ça va se vivre différemment. Donc, ça peut être difficile, là, comme tu dis, de mettre un barème. Oui, puis un diagnostic là, fixe, là, des symptômes précis. On tombe précis. Dans le subjectif. Oui, quand même. Puis, une autre petite question pour toi. Oui. Pour traiter la dépression postnatale, le repos est le meilleur moyen, vrai ou faux? Encore là, ça doit être encore une partie de la réponse. Parce que c'est sûr que j'imagine qu'une mère qui est fatiguée et qui n'a pas assez de repos, ça pourrait être un bon début, là. Oui, mais tout à fait. Mais pourquoi je posais cette question-là un peu, c'est un peu pour défaire le préjugé comme des fois qu'on associe à la dépression postnatale, où on va banaliser un peu. Bon, t'es fatigué, va te reposer. C'est la chute des hormones. Repose-toi, ça va aller mieux. Ouais. Là, donc oui, c'est vrai. Faut supporter les nouvelles mamans. Faut apporter du support, de l'aide. Par contre, la dépression postnatale, il y a souvent autre chose derrière ça. Oui, la fatigue aidera pas. Ça prend du repos, mais souvent, bon, ça va demander d'aller consulter. Ça va demander pour s'en sortir, une psychothérapie. Okay. Il y a des groupes de soutien aussi qui existent. Puis ça peut être aussi d'autres. Tu sais, c'est important de rétablir le lien avec le bébé puis le sentiment de compétence de la mère. Ouais. Puis je parlais avec une femme qui a fait une dépression postnatale puis elle me disait que ce qu'il avait le plus... Pardon. Ce qui l'avait le plus aidé, c'est de participer à un groupe de massage avec son bébé. Parce qu'elle était vraiment en contact avec son bébé. Elle n'était pas dans le « il faut faire ça » ou les, elle était juste dans le plaisir, dans la relation. Puis elle a comme retrouvé son sentiment de compétence juste par un atelier de massage. Fait qu'au-delà de toutes les psychothérapies, les antidépresseurs, c'était ça qui l'avait pour elle le plus aidé. Mais c'est ça. Fait que ça fait partie d'un ensemble de moyens qu'on prend là, pour traiter. Encore là, ça doit être tellement subjectif, ça doit être tellement personnel à chaque femme, qu'est-ce qui aide, puis quelque chose comme une femme pourrait aller faire la même chose qu'une autre et ça l'aide pas du tout. Oui, c'est ça. Fait qu'il faut vraiment s'écouter puis voir certaines, ça va être un groupe de soutien, alors que d'autres, ça les aidera pas vraiment parce que ça va les maintenir dans la culpabilité. Ouais, ou dans le négatif. C'est toutes sortes de moyens, là. L'entourage aussi doit être quand même important. Oui, le soutien social, la dépression, le soutien du conjoint notamment, de l'entourage, c'est vraiment un facteur de rétablissement. L'absence de soutien peut être aussi un facteur qui amène la dépression aussi. Okay. Et j'ai une dernière question pour toi. Est-ce qu'il y avait autant de dépression chez nos grands-mères qu'aujourd'hui? Je pense pas. Je pense pas, mais je pense que peut-être, mais qu'il le disait pas. Ça se peut-tu? Oui, ben ça se pourrait, ça. C'est sûr qu'on peut pas le savoir. Ouais, s'il le disait pas, on le sait pas. Non, c'est ça. C'est sûr que on remarque une augmentation des diagnostics de dépression postnatale. Donc oui, la dépression est peut-être plus présente. Plus présente, mais peut-être plus diagnostiquée. On la connaît peut-être mieux. Il y a peut-être moins de tabous aussi à en parler. Par contre, en Amérique du Nord, on remarque vraiment une augmentation depuis les 20-30 dernières années. OK. Que certains pays d'Europe, comme l'Italie, par exemple, n'observent pas du tout. Donc, il y a peut-être un phénomène culturel, social associé en Amérique du Nord, là, vraiment présent chez nous. Donc, c'est ce qui m'amène... j'ai fini mes vrais ou faux. Okay. Donc, c'est ça, j'avais quelques réflexions, en fait, sur la dépression postnatale, puis des questionnements, dans le fond, dont j'ai pas la réponse, mais que je voulais comme lancer... à notre émission aujourd'hui. Donc, par rapport à cette augmentation-là de la dépression postnatale, moi, je me questionne un peu sur peut-être l'image de la mère dans notre société, l'image qui est véhiculée par les médias. J'entends souvent parler de la mère un peu parfaite, la maman caillou, là, qu'on va appeler, là, qui est toujours de bonne humeur, qui élève jamais la voix, qui est toujours bien mise. Il y a cette image-là qui est quand même présente dans notre société. Toutes les livres aussi sur le fait de devenir mère, de devenir parent. Donc, c'est quelque chose qui l'accent est beaucoup mis sur la parentalité. Il y a beaucoup de gens qui se prononcent là-dessus, des médecins, des spécialistes. Donc, ça fait beaucoup de pression sur les mères. Est-ce que ça pourrait pas être un facteur qui pourrait rendre le fait de devenir parent un peu plus... Lourd, là, une certaine pression sur les parents. Donc, ça, c'est... je sais pas, une réflexion que j'avais. est-ce que les mères ont, les nouveaux parents, les mères et les pères, dans le fond, ont assez d'aide, étant donné qu'on n'a plus le réseau de soutien que nos grands-mères avaient, le réseau d'entraide traditionnel, de famille, de voisins. Donc, est-ce que les nouveaux parents ont toute l'aide qu'ils ont besoin? On remarque qu'il y a quand même beaucoup d'isolement avec l'arrivée d'un enfant. Ouais. Et puis, est-ce que ça fait sûrement partie là, des facteurs, des causes. Là. Ça a été quand même beaucoup. Il y a beaucoup de recherches qui portent sur le soutien social auprès des mères. Et puis, est-ce qu'il n'y aurait pas moyen de remplacer ce réseau naturel-là d'entraide que nos grands-mères avaient? Je pense à certains pays où ils ont un service d'aide familiale qui est offert. Oui, c'est ça. Dans le fond, les relevailles, là, est-ce qu'on ne pourrait pas l'étendre à toutes les femmes? Je me questionne aussi sur l'aide qui est faite aux mères qui vivent des accouchements difficiles, des grossesses aussi difficiles, qui doivent être hospitalisées, et puis souvent on a l'idée que quand que l'enfant est sauvé, quand l'enfant va mieux, mais tout est beau, tout va bien. Est-ce que toute l'aide est apportée à ces femmes-là parce que elles vivent quelque chose quand même de très difficile, avoir un enfant prématuré par exemple, c'est quand même beaucoup de stress. Puis oui, notre enfant peut bien aller, pas avoir de séquelles, bien se développer. Mais tout ce que la mère a vécu, c'est quand même assez traumatisant. Ouais. Puis on remarque aussi, d'ailleurs, beaucoup de syndromes post-traumatiques après certains accouchements. Okay. Parce que c'est vécu de façon, des fois, pas toujours très... en concordance avec les valeurs de la personne. Oui, tout à fait. Puis est-ce qu'il y a tout le soutien est apporté là, à ces parents-là? Je sais qu'il y a de l'aide qui est apportée, mais est-ce qu'on pourrait pas faire mieux, avoir un accueil plus chaleureux pour ces parents-là, puis vraiment les aider comme il se doit? Et puis dernièrement, pour les femmes qui souffrent de dépression postnatale, est-ce que les services sont adéquats? Parce que il n'existe pas aucune unité familiale en psychiatrie là, pour accueillir ces familles-là. Okay. Donc, les femmes sont hospitalisées en psychiatrie. Donc, c'est quand même peut-être pas ce qui est le plus adéquat là, pour une femme qui souffre de dépression, qui est d'être séparée de son bébé. Ouais. Donc, est-ce que ce serait pas possible de développer des services plus adaptés aux femmes, notamment celles qui souhaitent continuer à allaiter, puis pour qu'elles puissent aussi continuer à voir leur bébé? Puis, ce serait à développer. Bon, mais des belles réflexions qui méritent vraiment de se pencher là, sur la question. Oui, tout à fait. Merci beaucoup, Laurence, pour tes belles réflexions. Ça fait plaisir. Merci. Donc, au retour de la pause, on va avoir Isabelle Lebire qui va venir nous parler des besoins émotifs de la femme enceinte pendant la grossesse. Tout de suite, on s'en va en musique avec Kate Kuna et Tarantule. Yeah. mélanger de fruits et de sève. Je parfume sur tes lèvres, tes lèvres. Mes calepins remuaient de partout, je les cassais sur mes genoux. Je repartais de la lanterne. Trois fois saigné, trois fois débile. Mes rouleaux roulant dans la bile. Non, même mes gonds qui brûlent. Fume, fume et dansant dans la brume. Oh oh. Et ton soleil tisse sa toile dans le ciel. Et surtout, surtout, trop bientôt enflammerait ce palino. Tu te gâches, tu têtes, tu mailles, tu prêtes ton regard à tous les êtres qui se tournent vers tes belles, tes belles. Je croise sous tous les porches du monde ta petite trace immonde qui m'enlace et qui me traîne. Mon sphère Jésus est pleine, gorgée de fruits et de sève rouge, parfum sur tes lèvres, tes lèvres. Tu sais, je sais pas, peut-être tu sais pas, je me revois à la lanterne. Je vais au balcon, cigarette, les rues s'éveillent, mais sont muettes. Je largue à la mer un cancer, putain c'est beau, oh oh. Même la lumière est triste, timbre jaune et bleu. Car dans le palilo, je t'attendais, toi tu te tarentules. Tarentule super, ma main se referme sur le gris roseau de fer. Et moi je me veux poussière, poussière. Car je croise sous tous les porches du monde ta petite Jésus est pleine, gorgée de fruits et de sève. Rouge parfum sur tes lèvres, tes lèvres. C'était Tarentule avec Kate Kuna. On est de retour à Connaître Ensemble avec Laurence et Isabelle Lebire. Bonjour Isabelle. Bonjour. Donc, Laurence, je te passe la parole pour l'entrevue. Oui, donc, on est avec Isabelle qui va nous parler de la place faite aux besoins émotifs pendant la grossesse. Donc, pour faire suite un peu là, à notre, au sujet de la dépression, comment la sage-femme peut accompagner la femme enceinte puis soutenir, dans le fond, ses besoins émotifs. Donc, Isabelle a fait une réflexion sur le sujet. Donc, je te laisse la parole. Oui, alors, c'est une réflexion et un travail sur les besoins émotifs de la femme enceinte, mais dans un suivi sage-femme. Et quelque chose qui est bon à savoir, dans le fond, c'est qu'un suivi sage-femme, les rencontres prénatales et postnatales sont d'une durée environ d'une heure, ce qui est un peu contraire, en fait, qui est beaucoup plus long qu'un suivi plus traditionnel avec un médecin, par exemple. Donc, pendant cette rencontre-là, on a... Il y a des gestes cliniques qui vont être posés, comme dans tout suivi de grossesse. Sauf que ces gestes cliniques-là occupent seulement une infime partie mm-hmm. De la rencontre. Mm-hmm. Ce qui reste, dans le fond, c'est il y a un espace que la sage-femme tente de créer pour laisser aller exprimer la femme sur ce qu'elle vit présentement. Donc, sur ça peut être n'importe quoi, ça peut être à la maison, au travail, à la dans sa famille. Il y a plusieurs pressions sociales que les femmes enceintes vivent. Et dans un suivi sage-femme, l'idée, c'est de laisser exprimer les femmes sur ces pressions-là pour tenter justement qu'elles ne fassent pas trop de tort éventuellement. Mm-hmm. Une chose qui, dans la pratique sage-femme, en fait, je peux vous lire un extrait de la politique de pratique sage-femme qu'on retrouve sur le regroupement des sages-femmes du Québec, qui dit que, dans le fond, la pratique des sages-femmes s'exerce dans le cadre d'une relation personnelle et égalitaire, ouverte aux besoins sociaux, culturels et émotifs, autant que physiques des femmes. Fait que ça veut dire, en gros, c'est que la sage-femme, elle ne voit pas la femme seulement comme un corps, comme une mécanique biologique dont on doit aller peut-être faire des mm-hmm. modifications et des injections de temps en temps, mais plutôt c'est de prendre la femme enceinte dans tout son ensemble. Donc, c'est vraiment de regarder ses besoins sociaux, culturels, comme dans la pratique, dans la politique, mais également émotifs. Mm-hmm. Et puis... je pourrais rajouter que je ne sais pas si les auditeurs connaissent Michel Audin, le fameux gynécologue oui. obstétricien français qui a en fait révolutionné et continue de révolutionner le monde de l'obstétrique. Mm-hmm. Michel Audin, dans son dernier livre qui s'appelle « Childbirth in the Age of Plastics », parle d'un effet qu'il appelle l'effet nocebo. Et ça, j'ai trouvé que c'est un effet intéressant à connaître, dans le fond, qui dit qu'en gros, l'effet nocebo... c'est un effet négatif qu'on peut avoir sur l'état émotionnel de la femme enceinte et indirectement sur sa famille. Et ça, ça va se passer quand un intervenant en santé va faire plus de mal que de bien en interférant avec l'imagination et la fantaisie ou les croyances de la femme enceinte. Mm-hmm. Donc ça, c'est peut-être, on peut peut-être voir ça comme, si on regarde la prévention, des fois la prévention, c'est un aspect intéressant, sauf que parfois, en tentant de faire trop de prévention, peut-être qu'on va essayer de venir détruire trop de pensées ou de croyances que la femme a, et ça, ça pourrait être plus nuisible que d'autres choses. Donc, c'est de faire attention à ne pas créer un effet nocebo. Et dans ma réflexion par rapport à la pratique sage-femme, je vois ça comme créer, justement parce que la sage-femme peut créer un espace-temps, un espace que la femme peut s'exprimer, se libérer. Ça peut laisser une grande place à ses émotions et ça peut éviter de créer un effet nocebo en ayant une écoute non interventionniste, mm-hmm. et en essayant d'accueillir sans préjuger les propos de la femme. Mm-hmm. C'est pas évident non plus d'avoir une écoute non interventionniste, comme tu dis. Ça demande une certaine pratique parce qu'on est naturellement porté à essayer de trouver des solutions, à donner, à faire part aussi de nos connaissances. Oui, c'est vraiment difficile d'avoir une écoute sans intervenir parce qu'à chaque fois qu'on entend le récit de quelqu'un, l'idée, c'est d'essayer de l'accueillir sans nécessairement, c'est ça, vouloir ajouter son grain de sel, ce que nous, ça va venir des fois chercher des choses en nous qui ça va nous faire réagir. Mais l'idée, c'est justement de ne pas intervenir dans le flot émotif que la femme enceinte tente de nous communiquer et de laisser peut-être nos propres émotions, nos propres pensées de côté pour mm-hmm. justement pas venir intervenir dans sa propre mm-hmm. Son propre imaginaire. Oui. Donc, pour l'effet nocebo, dans le fond, pour essayer de ne pas créer ça, c'est de peut-être laisser, de pas d'arrêter de faire la prévention ou de parler là, de toutes les tests ou de certaines choses qu'on n'a pas le choix un peu de parler, mais d'essayer de laisser une place plus minime à ça. De plus utiliser la rencontre, comme tu disais, pour que la femme puisse s'exprimer. C'est un peu ça? Oui, c'est ça, exactement, oui. Et parce que c'est sûr que c'est un minimum de prévention à faire, sauf que des fois, on peut tenter de peut-être en dire toujours plus, mais s'il y a ça, il pourrait peut-être arriver ça et ça et ça, de faire une espèce de cascade d'événements qui pourraient arriver. Ça va créer, c'est ça, exactement, des peurs, de l'angoisse, du stress, dans le fond. Puis ces émotions-là éveillées, je crois pas que ça peut aider à la personne... En tout cas, ça ne peut pas aider la diminution de la dépression mm-hmm. chez la femme enceinte. Oui. Puis, faut dire aussi que les sages-femmes continuent leur suivi 6 semaines environ après l'accouchement. Puis, c'est important aussi ce temps-là. Tu sais, la femme a aussi encore besoin de ventiler suite à son accouchement. Oui, tout à fait. Puis je pense qu'encore là, l'espace qu'on tente de créer avant l'accouchement, pendant les rencontres prénatales avec la femme enceinte, l'accueil, l'écoute qu'on essaye lui procurer, il faut encore que cette écoute-là, on essaye de la rendre encore possible après l'accouchement, de laisser encore place pour voir comment elle, la femme, a vécu son accouchement, qu'est-ce qu'elle a envie de dire là-dessus, puis de la laisser vraiment totalement libre pour justement peut-être éviter d'avoir des choses qu'elle va garder en elle ou elle ne parlera pas et qui pourra peut-être créer éventuellement une dépression ou des blessures. Mm-hmm. Oui, exactement. Qui ne se guérissent pas. Donc, c'est un peu aussi la continuité des soins qui est valorisée dans la pratique sage-femme. Donc, après l'accouchement, le suivi se continue. Tu n'es pas retourné à la maison là, dans les 24 heures, 48 heures. Là. Non. Et par soins, c'est ça. On n'entend pas juste soins cliniques ou soins médicaux. Mm-hmm. C'est vraiment ça l'important. C'est soins dans l'ensemble de l'être de la personne que la femme enceinte est, non mm-hmm. pas seulement comme un corps de femme qui vient d'accoucher, mm-hmm. etc. Et ça, c'est cette place-là faite à ces besoins-là dans l'ensemble de la personne qui prime. Oui, prendre la personne dans sa globalité. Oui, exactement. Pour résumer. Oui. Ben, c'est très intéressant, Isabelle. Ça fait le tour de ta réflexion? Oui, plus ou moins. Le reste, ça va être à venir dans une performance, dans un cours. Donc, okay. Seulement vous êtes les privilégiés de cette réflexion. Super. Super, ben merci beaucoup Isabelle. De rien, merci. Donc on rappelle, c'était Isabelle Lebire qui est étudiante sage-femme et qui venait nous parler de sa réflexion quant aux besoins émotifs de la femme enceinte. Au retour de la pause, on va aborder un thème qui n'est pas souvent parlé en public, c'est la dépression postpartum chez les pères. Et aussi, on va avoir une chronique sur l'actualité dans le monde de la périnatalité. Tout de suite, on s'en va en musique avec une magnifique chanson de Pierre Lapointe, c'est Maman, sur son album Pierre Lapointe, seul au piano. Les oiseaux au fond de mon cœur à toutes les minutes pleurent, même si t'es là pour les consoler. Maman, dis-moi pourquoi tout ce qui bouge autour de moi me donne juste envie de pleurer, comme le jour où je suis sorti de toi. Si c'est ça, avoir 20 ans, j'aime mieux être un enfant. Si c'est ça, avoir 20 ans, j'aime mieux mourir maintenant. Maman, dis-moi pourquoi je me sens vieux de l'intérieur, même si les minutes, les heures encore trop jeune pour m'assommer. Maman, dis-moi pourquoi le bonheur entre mes mains comme la porcelaine se casse. C'est-tu parce que je suis trop maladroit ou si c'est la vie qui m'aime plus? Si c'est ça, avoir 20 ans, j'aime mieux être un enfant. Si c'est ça, avoir 20 ans, j'aime mieux mourir maintenant. Je sais que je le verrai jamais, le jour où comme toi je serai vieux, et puis que les rides sur mon visage soient arrivées pour y rester. Mais faudrait pas trop t'en vouloir. Si t'arrives plus à me consoler, c'est que les oiseaux au fond de mon cœur sont trop pressés de s'envoler. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. Vous êtes à l'écoute de Connaître ensemble, l'émission des étudiantes sages-femmes. Alors, avant la pause, on a écouté Maman de Pierre Lapointe. Maintenant, on va aborder le sujet du deuil périnatal, la souffrance des pères à retardement. En fait, c'est un article qui a été publié le 13 octobre sur cyberpresse.ca. De Sylvia Galipo, en fait, qui est associée avec la presse. Donc, ça aborde un peu la dépression postnatale chez les pères. Alors, l'article part de Francine de Montigny, qui est professeure en sciences infirmières à l'Université du Québec en Outaouais. Elle a fait une recherche, là, elle a comme découvert quelque chose vraiment récemment, mais là, bon, l'article était principalement sur les résultats préliminaires de sa recherche. Donc, c'était vraiment, elle en était au tout début, là, du processus. Donc, les résultats préliminaires montraient que les pères pourraient souffrir d'un deuil périnatal à retardement, et ce, jusqu'à 2 ans après l'événement. Donc, après l'événement qui peut être une fausse couche ou la perte d'un bébé en très bas âge, là, dans le postpartum. Il y avait 209 pères sondés par la recherche, et de ces 209 pères-là, il y avait 22% qui avaient déjà perdu un bébé. Et parmi ces 22%-là, il y avait... parmi les 209 pères, il y avait 16% qui présentaient un score assez élevé là, de dépression. Et parmi ceux qui n'avaient pas vécu de deuil, c'était seulement 7%. Donc, il y avait un peu plus que le double des pères qui avaient perdu un bébé qui avait un score plus élevé de dépression. Ce score-là peut se traduire... ils sont plus tristes qu'à l'habitude ou ils sont plus irritables qu'à l'habitude. En fait, ils sont significativement plus stressés. Et si ces pères-là avaient eu un enfant depuis leur deuil, donc après la perte d'un enfant, s'il y en avait eu un autre, souvent, ils étaient plus stressés avec lui, il y avait des interactions plus difficiles où ils le percevaient comme un enfant difficile en général. Donc, bref, il était plus irritable, plus colérique, impatient. Il y avait le sentiment que le nouvel enfant, même s'il était désiré, il était particulièrement compliqué. Donc, c'est un sujet qui est quand même assez peu abordé. Et même au niveau des recherches, c'est pas très fréquent. Il y a pas beaucoup de recherches sur le deuil périnatal qui est vécu par les pères. Parce que, bon, on le sait, les recherches se centrent vraiment beaucoup plus sur la femme. Par contre, il y a des recherches qui ont été entamées. Les résultats sont attendus en 2014. Ces résultats-là vont sûrement permettre de vérifier certaines hypothèses que l'auteur avait abordées. Donc, entre autres, est-ce qu'il y aurait une possibilité que les pères pourraient entrer en contact avec leurs émotions seulement une fois que la mère avait passé par-dessus les siennes? Donc, ça pourrait être observé avec la recherche. Aussi, est-ce que la nouvelle grossesse après le deuil périnatal pourrait réactiver certaines anxiétés chez les pères? Ou encore, on va aller vérifier peut-être l'impact là, sur la santé de l'enfant et aussi au niveau des ressources et des services. Est-ce qu'ils sont adaptés à une souffrance comme ça qui est à long terme? Parce qu'elle parle que ça arrive jusqu'à 2 ans après l'événement. Donc, la mère se serait peut-être plus collée sur l'événement et le père plus à retardement. Donc, l'article en général, en fait, à la fin, on invite les pères évidemment à consulter. S'ils se sentent pas bien, si un père n'a pas de fun avec son nouveau bébé, s'il trouve qu'il est vraiment difficile, même 2 ans après un deuil, ça se pourrait qu'il y ait un lien. Donc, on invite les pères à consulter puis à aller chercher des ressources dans leur entourage. Parlant de ressources, il y a des sites Internet qui existent, je vais en nommer juste un. C'est le www.newdadmanual.ca. qui est un site ontarien, mais qui a une partie en français. Le site est fait un peu là, sous forme de mode d'emploi, donc tous les modes d'emploi de la parentalité au niveau des pères, là, comment soutenir sa femme, les couches, l'allaitement et tout ça, le cododo, donc les modes d'emploi là, d'un père. Et aussi, on invite aller voir au CLSC, il y a des ressources, il y a des organismes, il y a beaucoup d'organismes d'entraide pour les pères. Donc, il y a vraiment des belles ressources à aller chercher de ce côté-là. On va mettre la référence Internet sur notre page Facebook, qui est Co-Trédunion Naître Ensemble. Donc, sur Facebook, vous pouvez aller nous voir. On est rendu à la chronique actualité de Christine. Alors, bonjour tout le monde. Bonjour. J'espère que ça va bien chez vous, dans votre voiture ou peu importe où est-ce que vous nous écoutez sur Internet aussi, ailleurs qu'à Trois-Rivières. Moi, aujourd'hui, je suis avec vous pour vous parler des faits d'actualité qui sont pas nécessairement en lien avec la dépression postpartum ou les besoins émotifs de la femme, mais c'est des faits qui sont quand même intéressants que j'ai trouvés puis que je voulais partager avec vous. On va commencer avec... Dernièrement, il y a eu une journée sur la planète Terre qu'on était le 11 novembre, qui était le 11 du 11 du 11. Et j'ai essayé de trouver s'il y avait une naissance qui avait eu au Québec ou proche de nous au Canada, qui avait eu lieu cette date-là à 11h11. Ouh. Et ben, malheureusement, j'ai pas trouvé au Québec ni au Canada, mais la plus proche de nous que j'ai trouvé, c'est au New Jersey. En fait, c'est sûr qu'il y en a eu au Québec ou au Canada parce que dans le monde, à chaque jour, il y a à peu près 350 000 naissances. Ah ouais? Par jour? Ouais, par jour. Wow. C'est sûr qu'il y en a eu plusieurs, sauf qu'en même temps, il faut regarder avec le décalage horaire. Alors, pendant que nous, on était le 11 du 11 du 11 à 11h11, ben ailleurs au Canada, il y avait d'autres heures. Ailleurs dans le monde, c'était d'autres heures. Fait que c'est sûr que ça a joué. Mais bon... Le petit garçon qui est né au New Jersey, c'est celui qui est le plus proche de nous que j'ai trouvé. Là, ça tombait bien parce qu'il est né le jour du souvenir, hein, parce qu'on se rappelle que le 11 novembre, c'est le jour du souvenir. Et ses deux parents sont des militaires. Alors, c'est probablement pour ça que ça a passé dans le journal. Autre fait intéressant aussi par rapport au 11 novembre, aux États-Unis encore, il y a deux jeunes filles qui ont fêté leur 11e anniversaire de naissance et qui sont des jumelles. Wow! Fait que c'est quand même drôle. Ils ont fêté leur 11e anniversaire le 11 novembre 2011. Ben là, à 11h11, peut-être pas, là. Mais en tout cas. Fait que ça, c'est vraiment par rapport au 11 novembre que je voulais vous souligner des deux petits faits intéressants. Avis aux superstitieux. Oui, c'est ça. Ben, les deux petites filles étaient bien contentes de ça. Dans le fond, ils disaient dans l'article de journal qu'ils se demandaient comment ils allaient fêter leur anniversaire, s'ils allaient aller à l'école juste 11 minutes cette journée-là. En tout cas, c'est ça. C'était quand même drôle là, comme article. En dehors de ça... j'ai trouvé un article qui a été publié le 27 octobre dernier. Et c'est vraiment intéressant parce qu'il y a beaucoup de mamans qui allaitent, qui se posent la question, bon, peux-tu prendre une bière ou un petit verre de vin puis allaiter quand même? Eh bien, aux États-Unis, il y a eu un test d'alcool pour le lait maternel qui a été, pas inventé, là, mais ouais, ouais. En tout cas... Découvert. Oui, c'est ça. Ils ont fait des recherches puis ils ont trouvé le moyen de tester le taux d'alcoolémie dans le lait maternel. Et dans le fond, ça, c'est pour savoir si tu peux allaiter après avoir pris un petit verre de vin ou peu importe. Là. Okay. Ça s'appelle « milk screen » en anglais, dans le fond. Okay. Ça permet vraiment d'avoir l'esprit tranquille avec ce test-là. Fait qu'en moins de 2 minutes, le test maison, là, c'est comme des bandelettes... qui ressemble à un test pipi, là, dans le fond, quand c'est des petites bandelettes, ouais, ouais. Mais pas pareil. dans le fond, ces petites bandelettes-là, ils indiquent aux mamans si leur lait maternel, il contient de l'alcool. OK. Ou en tout cas, le taux maximum qui n'est pas atteint, là, tout ça. Il y en a qui vont dire, ben moi, je veux rien savoir de consommer quand même pendant que j'allaite, puis j'aime mieux pas. Il y en a qui vont prendre l'option aussi de tirer leur lait avant mm-hmm. de prendre un verre pour préparer le lait ouais. du prochain boire, ce qui est aussi un bon moyen. Il y en a qui veulent compter le nombre d'heures, mettons, entre le dernier verre, mettons, ou de vin ou la bière qu'ils ont pris, qui sépare entre ça puis le prochain boire. Mais... S'il y en a qui veulent plus se casser la tête avec ça, ben le test existe. Ça a été fait aux États-Unis. Puis vraiment, là, la bandelette, elle change de couleur si le lait il est pas bon à boire pour le bébé. Ça, dans le fond, c'est disponible aux États-Unis, comme je l'ai dit. Au Canada, ce qui arrive, c'est que c'est pas encore disponible au Québec. Okay. Mais au Canada, c'est disponible. Fait que je vous donne quand même le moyen d'aller en chercher si vous êtes intéressé ou si vous voulez en parler à vos amis, peu importe. Ça se vend en Colombie-Britannique depuis l'automne, l'année passée, depuis un an. C'est la boutique Bellies in Blue Maternity. OK. Donc, les bédaines dans le champ de la maternité, si on veut traduire rapidement. mais ce qui est fun, c'est qu'on peut les commander par Internet là, sur leur site de la compagnie. Ça se vend en petites boîtes là, de 8 ou 20 unités, là, 15-25 piastres à peu près. Fait que ça, c'est côté test d'alcool pour le lait maternel. C'est assez inusité quand même. Mais j'ai trouvé ça ouais. vraiment intéressant de savoir qu'ils poussaient les recherches là-dedans. Ouais. Là, parce que c'est vrai que quand on allait, on a des fois le goût de relaxer avec une petite bière au soleil. Ouais. Dire, on n'est pas des robots. Là, on n'arrête pas d'aimer la bière si on aimait ouais. la bière avant d'allaiter. Pis tout ça. Fait que c'est quand même une petite invention qui peut être pratique des fois puis mm-hmm. Bien intéressante. Ensuite de ça, je voudrais vous parler de d'une chose qui se passe pendant la grossesse, quand le bébé est à l'intérieur du ventre de la maman. Il y en a qui se posent la question, est-ce que mon bébé entend tout ce qui se passe? Est-ce qu'il sent tout ce qui se passe? Ben, il y en a qui le savent, il y en a qui s'en doutent, il y en a qui ne se posent pas la question. Mais il y a beaucoup de recherches qui sont faites là-dessus quand même. Là, puis pendant que le bébé est dans le ventre, en fait, il ne faut vraiment pas sous-estimer ce qu'il peut apprendre, qu'est-ce qu'il peut entendre, tout ça. À partir du 4e mois de grossesse, il entend. Il sent les contacts, il sent les caresses. Puis on pense, ben en fait, les recherches disent même qu'il y aurait une capacité de mémorisation. Ah ouais? Ouais. Donc, wow. Dès le 4e mois, ça peut pas nécessairement à partir... flush, si je peux dire, du 4e mois. Là, autour du 4e mois, ben, le bébé il est capable d'entendre les bruits extérieurs autant qu'intérieurs. Donc, puis surtout les sons graves, parce que probablement que ça fait des vibrations plus grandes avec le liquide amniotique, peut-être, je ne sais pas trop. Là. les gargouillis du ventre, qu'est-ce qui se passe dans le système l'intérieur. De la mère, la voix de la mère, la voix de son père, une chanson répétée, tout ça, que, même pas nécessairement avec des écouteurs sur le ventre. Là, tout ce qui se passe ambiante, à l'extérieur, ouais, c'est ça. Le bébé, il peut l'entendre. Fait Justine. Qu'on pourrait... Oui, juste une petite question. Ça veut dire que si, par exemple, mon enfant, est, on est dans un film, il y a une grosse musique militaire basse qui passe, puis il va la mémoriser, il pourrait la mémoriser. Fait que je pourrais faire repasser à 2 ans, puis il accrocherait autant? Bien, probablement que c'est pas une fois qu'il va faire la différence, sauf que moi, en dehors de l'article, là, j'ai entendu souvent dire que la chanson que vous faites jouer pendant la grossesse sur le ventre, bien, dans la maison, peu importe, là, une chanson que l'enfant entendrait souvent dans le ventre de sa mère serait quelque chose qui calmerait facilement l'enfant une fois sorti du ventre de la mère, puis pour s'endormir, tout ça. Instaurer les berceuses dès le début. Oui, mais même pas nécessairement les berceuses, mais probablement que ça aide plus. Là. Mais tu sais, comme moi, j'ai entendu des amis dire, tu sais, comme qui dansent la salsa, qui pendant que la mère est enceinte, elle allait danser, puis la petite, elle s'endort quand elle écoute ce type de musique-là, si c'est le temps de s'endormir, alors que c'est quand même une musique qui est énergique. Définitivement. Mais dans le fond, c'est sûr que si c'est juste une fois, d'après moi, ça n'aura pas nécessairement d'impact, mais si ça se répète tout ça, oui, l'enfant, il va être capable de mémoriser, pas nécessairement consciemment, mais ça va stimuler son cerveau. Fait que tous ces bruits-là, toutes les caresses, tout ce qui se passe pendant que la femme est enceinte, le bébé, il perçoit ces stimuli-là, puis ça stimule son cerveau. d'ailleurs, quand c'est le cas que le bébé reconnaît soit la voix de son père ou tout ça, on observe que le rythme cardiaque du bébé s'accélère, qu'il se met à bouger, tout ça. Moi, j'ai même une amie qui, à un moment donné, son bébé n'arrêtait pas de bouger, puis elle était tannée parce qu'elle n'était pas capable de c'était fatigant. Il arrêtait pas. Fait qu'elle a appelé son chum qui n'était pas avec elle. Puis elle a mis le téléphone sur son ventre. Puis le bébé, il s'est calmé en entendant la voix de la mère. Fait que, veut pas, même sans les recherches, à quelque part, on voit là, les résultats. Il y a vraiment une interaction possible avec le bébé. Oui, c'est ça. T'sais, son cerveau, il est déjà en train d'évoluer à pleine vitesse. C'était pour dire full pin, mais je vais dire pleine vitesse, ça va mieux passer, je pense. Et puis, ses neurones sont en train de se développer, s'activer, tout ça. Et dans le fond, tout ça mis ensemble, les recherches, ils démontrent vraiment que plus le bébé a de stimulation, même avant la naissance, donc intra-utérine, plus son intelligence va se développer. Ah ouais. Ouais. Fait que ça, c'était un petit article qui est paru dans le Journal de Montréal le 15 novembre dernier, donc hier. Puis c'est intéressant. Dans le fond, il y a plein de choses à lire là-dessus, mais c'est quand même important de se rappeler que tout ce qu'on fait, le bébé, il s'en rend compte, tout ça. Puis j'imagine, à quelque part, ça doit favoriser aussi un lien d'attachement entre les parents et l'enfant. Parce que, tu sais, la mère, elle porte le bébé en dedans d'elle. Ouais. Le père, des fois, il peut se sentir pas impliqué. Ou on entend souvent des pères qui disent qu'ils deviennent pères à la naissance, ouais. à l'accouchement, qu'avant, ils ne se sentent pas tellement impliqués. Donc, ce jeu-là qu'on peut faire avec, ouais, avec pis, l'enfance. Oui, puis le père qui va parler à son enfant pendant qu'il est dans le ventre de sa mère, ouais. il va vraiment avoir un... pas un impact nécessairement, mais je veux dire, le bébé va vraiment le reconnaître. Puis surtout quand on dit que les sons graves, ouais. ils sont plus des, entendus. Ouais, ben, masculins. Dans mon entourage, en tout cas, je ne sais pas pour vous, mais la plupart des gars que je connais, ils ont une voix plus grave que nous. En non, général. Mais, en général. Non, mais c'est ça. Fait que les sons graves, ils vont porter mieux. Fait que probablement que l'enfant, même s'il n'y a pas de contact direct avec le corps de son père pendant qu'il est dans le ventre de sa mère, ben il y a ce lien-là qui peut déjà ouais. Se créer quand même avec la voix du père qui peut calmer le bébé ou c'est ça, avoir un lien avec ça. Penses-tu que ça va peut-être faire peur à, cette, à certaines personnes d'avoir des relations sexuelles durant la grossesse à cause de ça? Ben, c'est une bonne question, mais en même temps, on a, je pense qu'il y a, il y a des gens qui ont peur de toute façon de déranger. Ben, surtout les pères, ouais. souvent les craintes viennent des pères. Ben, ouais. Des fois, c'est aussi un malaise de la mère. T'sais, il y en a qui sont juste pas à l'aise de... d'avoir des relations sexuelles pendant la grossesse. Face à leur corps. Oui, c'est ça, parce que ou ils n'ont pas le goût, mm-hmm. tout simplement. Mais ça, dans le fond, je ne vais pas m'embarquer là-dedans, mais ouais. je veux juste dire que c'est vraiment personnel à chacun, puis c'est correct, de, dans le fond, dans le couple, d'en parler, puis de vivre bien avec ça. Mais, de se respecter dans cette ouais, décision-là ouais. aussi. Oui, c'est ça. Mais c'est sûr que... Mais on peut peut-être juste dire vite que... il n'y en a pas de danger pour à avoir des relations sexuelles pendant la grossesse. Le bébé est tellement protégé dans le sac amniotique, dans l'utérus, que le père ne pourra pas provoquer l'accouchement quand c'est en début de grossesse ou, non, absolument ou pas. Tôt c'est... dans la grossesse. Il n'y en a pas de danger. Oui, c'est vraiment... Puis le bébé, il ne peut pas voir non plus. Non, c'est ça. Mais c'est bien que tu précises que c'est en début de grossesse parce ouais. que vers la fin, les contractions utérines ouais. à cause de l'orgasme, justement, ça peut provoquer. Puis c'est pour ça, c'est qu'on vraiment, dit que c'est un moyen, mais c'est vraiment vers la fin. Ouais, c'est donc, ça. C'est un sujet qu'on pourra peut-être aborder éventuellement dans une autre émission. Ouais, ben ouais, absolument. Ouais. mais il me reste, dans le fond, deux petites choses desquelles je voudrais vous parler. Oui. Y en a une qui s'en vient bientôt. On est le 16 novembre aujourd'hui, hein? Oui. C'est ça. Alors, oui. dans 4 jours, le 20 novembre arrive et cette journée-là est quand même... importante pour les enfants dans le monde. C'est une journée qui a été... ça s'appelle la Journée mondiale de l'enfant okay. ou la Journée internationale des droits de l'enfant. Cette journée-là est très importante pour... dans le fond, c'est ça, tous les enfants dans le monde, même s'il y en a qui n'en ont pas conscience ou même s'ils ils savent pas que cette journée-là est soulignée mm-hmm. pour les enfants. Mais il y a plus de 20 ans, déjà le 20 novembre 1989, les Nations Unies ils ont décidé que pour le bien-être des enfants, ils ont décidé d'adopter une convention relative aux droits de l'enfant. Puis ça, c'est, mettons, dans les droits de l'enfant, il y a le droit d'avoir la sécurité, d'être alimenté, droit à l'eau. C'est tous des droits fondamentaux. Okay. qu'on a, nous, en tant qu'êtres humains, mais qui ne sont pas nécessairement respectés à travers le monde, soit parce que c'est un pays en guerre ou un pays en voie de développement, si je peux dire. Et les Nations Unies ont décidé de créer cette journée internationale-là pour qu'on reconnaisse leurs droits le plus possible, dans le plus d'endroits possible, parce que c'est des êtres à part entière, puis ils ont des droits autant que... n'importe quel adulte ou n'importe quel être humain sur ouais. la Terre. Et dans le fond... la journée, c'est une belle occasion de se rappeler ça. Ouais, c'est le 20 novembre, je voulais juste le souligner. Et dernière chose, avant de terminer ma chronique, je veux juste vous inviter à aller sur tout.tv, aller chercher l'émission de découverte du 6 novembre dernier qu'il y a eu. Ça parle vraiment... de la genèse de l'être humain, dans le fond, de comment ça se développe. Et c'est 45 minutes de votre vie, à peu près 45, avec les pubs, tout ça, là, et qui sont vraiment intéressantes à passer à regarder cette émission-là. C'est très bien expliqué pour n'importe qui, pas besoin d'avoir des bases en sciences. Pas du tout. Ah donc, allez chercher ça sur tout.tv. C'est la genèse de titre de l'émission. Puis c'était le 6 novembre qui a une suite sur l'être humain et tout ça. Mais okay. parler de la conception puis de la naissance d'enfants. 6 novembre, découverte sur tout.tv. Je pense que ça remonte aussi loin là, que la fécondation. Oui, oui, oui, c'est ça. C'est vraiment de la fécondation à la naissance. Puis il y a différentes histoires. Là. Il y a une mère qui a eu 3 ovulations avec 3 bébés. Donc, ces 3 ovules ont été fécondés. il y a une autre mère qui a 16 enfants et qui est enceinte de son 17e, en tout cas. Fait que c'est vraiment intéressant. Wow! Allez voir ça. OK. Bon, ben tant de choses à faire encore. Alors, on remercie Isabelle Lebir qui a été notre invitée de la semaine et nos chroniqueuses, donc Christine pour sa chronique d'actualité et Laurence tout à l'heure. Et on a Ingrid aussi. On remercie, Ingrid d'abord à la recherche musicale et à la mise en onde. Et on vous revient la semaine prochaine avec une autre émission de Connaître ensemble sur les ondes de C'est fou 89.1. On s'en va pour terminer en musique avec Vincent Vallière et Baby Blues. Bonne journée tout le monde. Baby blues, à transcender l'espace et oublier le temps.